Audiomatique. Hey, Le groupe américain Animal Collective nous offrait en introduction de la transmission 265 d'Audiomatique sa chanson Fickle Cycle, qui est parue sur le simple pour la pièce Grass, qui, elle, provient de son sixième album studio Feels, lancé en 2005. Les transmissions d'Audiomatique prennent forme chaque semaine grâce aux sonoristes, un terme qui regroupe à la fois ceux qui aiment les sons et ceux qui créent les sons. La prochaine séquence musicale sera bien entendu constituée de sons, et les créateurs de ces sons se nomment The Jesus and Mary Chain, qui nous envoient leur version étendue de la pièce Sidewalking. We'll be right back. instead of community, you will be left in the marketplace to fend for yourselves, claw for yourselves, stab for yourselves, guard for yourselves. What little money, savings, dignity, and shelter you have left. After your jobs are downsized and exported to Mexico, tennis shoes made by slaves in camps in Indonesia, computer jobs sent across the ocean to Indonesia, you will be next unless you bow down. We'll be right back. much more palatable concept than martial law. Put your bracelets on. You're safer when you're watched. Don't go outside. You'll set the alarm off. Curfew. Forever and ever. Le batteur Makaya McCraven et son quartet mettaient un terme à cette longue séquence musicale avec Above and Beyond, une composition apparaissant sur l'album Highly Rare, sorti en 2017. Avant Makaya McCraven, nous entendions le groupe Cold Cut et la pièce Every Home a Prison, sur laquelle on pouvait entendre une prose composée et lue par le célèbre artiste du mouvement punk Jello Biafra, chanteur des Dead Kennedys. La pièce se trouve sur l'album Let Us Play de Cold Cut. Et en début de séquence, la formation de Jesus and Mary Chain nous jouait la extended version de la pièce Sidewalking, version qui se retrouve sur l'album The Sound of Speed, regroupant une collection de B-sides, de remixes et de versions alternatives réalisées entre 1988 et 1993. Nous ne savons toujours pas si la rumeur est vraie ou non, puisque depuis maintenant 4 ans, on nous promet un possible retour sur disque du groupe Sneaker Pimps, dont le dernier album remonte à 2002. Justement, tiré de ce troisième et à ce jour dernier album de Sneaker Pimps, intitulé Bloodsport, voici la chanson Grazes à Audiomatic. So the fever that I got stole my name. It opened me up, it twisted my bones. Now I'm nothing. I knew the second time that I saw your face, the city lit up, was bleeding. Now I'm sinking. Just another lonely box beneath her bed. A mark on her back, a bruise in her head. Had she fallen? Had she fallen? Oh, that is what she wished. Traces of time was riding her spine. Was it worth it? I need to suffocate and blame. You gave less than you tried to possess. Yeah. à Audiomatic. Il s'agissait du projet Bonobo, mené par l'artiste anglais Simon Green, de qui nous entendions la pièce Pickup, qui a été ici remixée par Fortet. La version originale de la pièce Pickup est parue sur le deuxième album de Bonobo, intitulé Dial M for Monkey. Pour ce qui est de la version remixée par Fortet, on peut la retrouver sur plusieurs albums, dont sur le CD bonus de la version deluxe de l'album Black Sands Remixed de Bonobo. Et pour débuter ce bloc musical, nous vous présentions le groupe anglais Sneaker Pimps et la chanson Grazes de son troisième et dernier album qui porte le titre de Bloodsport. Les sonoristes aiment les sons, tous les sons, et c'est au pur son des locomotives à vapeur 484 numéro 809 et 4664 numéro 3816 de la compagnie Union Pacific que s'amorce la prochaine séquence musicale. Cette courte séquence à Audiomatic se terminait sur la pièce Cindy Electronium, composée en 1959 par Raymond Scott, grâce à deux machines qui se nomment l'Electronium et le Clavivox. L'Electronium autogénère des compositions grâce à des séquences aléatoires de tonalités, de rythmes et de timbres en utilisant ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Et le Clavivox est un prototype de clavier synthétiseur conçu par Raymond Scott et Robert Moog, ce dernier qui inventera quelques années plus tard le premier synthétiseur analogique, le fameux Moog. Les sonoristes ont déniché cette composition sur la compilation Home, The Early Gurus of Electronic Music, qui retrace l'évolution de la musique électronique. Et pour débuter, il s'agissait des sons des locomotives à vapeur 484 numéro 809 et 4664 numéro 3816 de la compagnie Union Pacific. Nous viendrons clore cette transmission 265 d'Audiomatique avec la formation écossaise Primal Scream qui a été fondée en 1982 et compte une bonne dizaine d'albums à son actif. La carrière du groupe a pris son envol lorsque le chanteur Bobby Gillespie a décidé en 1986 de quitter ses fonctions de batteur pour le groupe de Jesus and Mary Chain qu'il occupait en parallèle depuis 1984. Du sixième album studio de Primal Scream intitulé Exterminator, nous vous ferons jouer la chanson Blood Money. La transmission 266 d'Audiomatique sera diffusée mercredi prochain dès 17h sur les ondes de CIFU 89.1 FM. Et comme toutes nos anciennes transmissions, comme pour toutes nos anciennes transmissions, dis-je, elle sera également disponible pour une écoute en différé sur nos profils mixcloud.com/audiomatique et facebook.com/audiomatique-cfou. Voici donc Primal Scream et la chanson Blood Money. C'était Audiomatique avec les sonoristes.